quoi? Il est 11h moins le quart. Laisse-moi vivre de temps en temps comme un homme libre de l'air du temps. Que je sois libre et deviens ce que tu voudras. Pour être bien, j'ai besoin d'être loin de toi. Vivre, mais laisse-moi vivre. Que je sois libre d'exploser. Vivre, mais laisse-moi vivre. Au jour le jour et faire l'amour sans y penser. Les jours se suivent infiniment. Les jours se suivent et changent le cours du temps. Hier je t'aime. Hier est si loin d'aujourd'hui. Ce soir je t'aime, mais j'ai besoin que tu m'oublies. Laisse-moi vivre et respirer sans toi. Pour être bien, j'ai besoin d'être loin de toi. Y penser. Laisse-moi vivre un jour sans toi. Laisse-moi redevenir le simplet d'autrefois.